The Empire of House Music. Très bon réveil à l'écoute de Galaxy. Bonjour à vous tous en dimanche 8 juillet. On est ensemble jusqu'à midi. Vous avez pas oublié, c'est Pascal Mancini avec cette émission Party After. Merci de votre grande fidélité. Merci d'être plus en plus nombreux à nous écouter tous les dimanches matins. Voici tout de suite pour commencer Be Tonight, un titre qui était sorti en 2005. the rhythm. Save the rhythm. Oh, yeah. pleasure, pleasure, pleasure, heat, heat, moistness, moistness, delight, delight, libido, lubricity, playing, delicious, erotic, flesh, enchantment, and the satisfaction. Pleasure, heat, moistness, delight, libido, lubricity, playing, delicious, erotic, flesh, enchantment, and the sensuality, luxury, lust, pleasure, satisfaction. Éric Lavigne, à l'instant, avec Jim Tiki, c'était sorti cette année sous le label Universal. On retrouve tout de suite un petit coup de cœur de cette émission, c'est Liss et Gigi, c'est le L'Oriole 2003. Ne changez rien, c'est Pascal Mancini, on est ensemble jusqu'à midi, c'est parti, after.

Welcome to the world of music. Naturellement, ça donne envie de bouger le bootleg de Superman Lover, le fameux Starlight. Il est 10h23 juste avant de retrouver les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. Voici tout de suite une découverte qu'on vous avait fait découvrir avant tout le monde. C'est Justice vs Superman avec 9h Be Alone. We'll Justice, Ves Simon, c'est une découverte Galaxy. C'était l'année dernière pendant l'été en plus. On vous l'avait fait découvrir en tout le monde. Il est 10h30, il est temps d'accueillir Stéphane Laroche. Bonjour Stéphane, pour les informations de proximité. Radio Galaxy, Galaxy. Le Centre culturel du monde arabe fête son 10e anniversaire ce dimanche 8 juillet à la salle Ouattremé de Roubaix. Le thème choisi cette année est le dialogue des cultures, où plusieurs pays seront d'ailleurs mis à l'honneur. Animation, danse, musique, gastronomie, art, etc. vous y attendent. Entrée libre, plus d'infos, 03 20 11 03 42 ou info@ccma.fr. Exposition se veut, actuellement jusqu'au 22 juillet à la Maison Folie de Oisem. Conçue et réalisée par l'association lilloise Mégafon, le projet se veut a pour ambition de présenter un état des lieux de la mouvance Designer Toys. Plus d'une trentaine de jouets customisés par des artistes régionaux. Autour de l'expo, diverses ateliers dédiés aux 18-25 ans sont proposés. Renseignements et inscriptions, 03 20 78 97 87. L'exposition d'été Alice au pays d'Anthony Brown est à découvrir à partir du 10 juillet et jusqu'au 25 août inclus à la bibliothèque municipale de Waterloo. Une exposition et des animations réalisées entre autres par l'association Mosée Couleurs. Profitez-en pour découvrir un géant de la littérature enfantine et devenez vous-même acteur en vous mettant en scène. Libre d'accès, horaire d'ouverture, 03 20 81 66 38. La compagnie Les Mille et Une Vies repart à la rencontre du public grâce à son théâtre de marionnettes itinérant. Une tournée d'été qui passera peut-être par chez vous avec pour le mois de juillet les aventures de Germain Lemas, mais aussi la toute dernière création baptisée La Chambre de Zette. Toutes les dates de représentation sont disponibles au 03 20 88 44 78 ou lesmilleetunevies@wanadoo.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Once I language. Oh, and only for you. We'll be right back. Merci de votre très grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les dimanches matins jusqu'à midi. C'est Pascal Mancini. Voici tout de suite en souvenir Tony Dibar avec le Whale Thing. Girl, it's got to be you. Oh, you and me. something new, cause you're very hung high. Yesterday's news is not important. You need so much more to stay very content. Now who's got more? Whose life is more? So cheating on whose life is gone? Now what's in store? Will they buy more? Tell me what's the trick, and will it stick? A star is born, you better wake up. The coffee's getting bored, there's no time to stop. A star is born, you better wake up. The coffee's getting bored, there's no time to stop. A star is born, you better wake up. The coffee's getting bored, there's no time to stop. A star is born, you better wake up. The coffee's getting bored, there's no time to stop. Galaxy vous donne l'heure, il est tout pile poil 11h, merci de votre grande fidélité. Petite idée de sortie pour bien terminer ce week-end en ce dimanche 8 juillet. Peut-être à l'Escape Concept pour les fameuses soirées White Night avec Dave, Luc, Kevin, Huggy Anton, ou bien à l'âge de Zoo pour les fameuses soirées Diversus avec Gauthier et H3O, c'est à vous de décider. Et bien tout à l'heure, avant de se quitter, je vous offrirai les passes, justement les passes pour le week-end prochain pour vous emmener en boîte à la bûche, au Bliss, au Captain, à l'Escape, à l'âge de Zoo, au Post Factory. C'est à vous de choisir, ça sera d'ici une demi-heure.

Ne changez rien, vous êtes bien sûr sur les bonnes ondes, le 95.30. Un petit tour comme ça du côté de la météo aujourd'hui, ben c'est RAS, du soleil toute la journée. Ça devrait se dégrader à partir de demain lundi, mais on peut profiter justement de cette journée, profiter bien de ce dimanche. Tout à l'heure, aux alentours de midi, on retrouvera ADN pour une session à house, suivie de Michael H pour une série trans, lui de Sly et Dieter Kenz, avec aussi Mandray et Sick pour terminer cette soirée. C'est pour le hardcore. Merci, voici tout de suite Dépêche Mode avec le remix 100% house. Écoute-moi bien ça, c'est du bonheur. It's no good. Don't get Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 11h30, on retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Restez bien calés avec nous, tout à l'heure on retrouvera le meilleur de la musique électronique avec toutes les nouveautés qui sont sorties actuellement. Mais voici tout de suite Stéphane Laroche, ne bougez pas, on se retrouve juste après. L'association Ride on Lille organise une randonnée nocturne, la Roll Friday Night, le vendredi 13 juillet 21h au départ de la place de la République. Deux boucles sont proposées, une dans Lille, l'autre en direction de Lille, LM, Lezen et Ronchin. Participation 2 euros, inscription 03 20 56 71 61 ou sur roll.asso.fr. Un programme particulièrement festif vous attend cette année au Parc du Lion de Waterloo à l'occasion de la fête nationale. Vendredi 13 juillet 23h, au plan du Parc du Lion, feu d'artifice, la valse des étoiles. Samedi 14 juillet, à partir de 14h30, dans la plaine du Parc, kermesse des associations, ateliers jeux et manèges pour enfants, porte ouverte à la ferme pédagogique et marionnettes, le cirque ambulant. 16h sur le podium, Daniela et Emily de Waterloo, suivi du Bee Gees Revival Show et en clôture à 18h, le concert d'Emile et Images. Info web, ville-waterloo.fr. L'office de tourisme de Marchienne organise des visites guidées du patrimoine de la ville et notamment de son abbaye de façon ludique. Une demi-heure pour flâner au cœur même de l'ancien monastère. Lecteur MP3 aux oreilles pour ne rien manquer des indications et anecdotes comptées par des comédiens professionnels. Inscription 03 27 90 58 54 ou sur le web c'est ot-marchienne.fr. L'exposition Que la lumière soit est à découvrir tout l'été et jusqu'au 2 septembre au Musée des Arts et Traditions Populaires situé rue François Mériot, Waterloo. Une exposition passionnante sur l'histoire de l'éclairage préélectrique, les améliorations emporté au fil du temps ou encore l'étude de l'éclairage jour et nuit. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Merci Stéphane, tu appelles tout de suite la radio, je te donne le numéro 03 20 83 57 deux fois, 03 20 83 57 deux fois pour gagner tes places pour le week-end prochain en autre. Voici tout de suite le programme, la bûche, le bis, le catène, l'esclep, l'âge de zoo, le puzzle factory, c'est à toi de choisir. T'appelles tout de suite la radio et je te fais gagner tes places pour le week-end prochain. I'm gonna go get some more. Galaxy. Dan Daniel à l'instant pour le remix 2007 de Enjoy the Silence de Depeche Mode. Voici tout de suite Mr. Pete. Thank you. dress up, fix it up for my LA girls. Bottles and bottles on the Sunset Strip. They giving it up. DJ, spin that hit. Hollywood, this is how we play. My girl, bipping up the stage. I'm a LA girl. I'm ready for the world. Sexy, sexy. All up in the club. And they showing me love. Your hands up. David Thor sur les ondes intergalactiques. Il nous reste quelques minutes à passer et vous retrouverez juste après, excusez-moi, ADN sur les ondes intergalactiques pour une session rétro house. Mais aussi, vous pourrez le retrouver le samedi 28 juillet. Attention, je répète la date. Samedi 28 juillet sera du côté de l'Eden Bar. Eden Bar qui se situe à Moucron. Dès 22h, l'entrée est de 3-0 avec des go-go danseurs, des go-go danseuses pour vous, messieurs. Et puis aussi des go-go danseurs pour vous, mesdemoiselles. Je vous rappelle cette date. Ça sera le samedi 28 juillet à partir de 22h. C'est à l'Eden Bar de Moucron. Et ça, c'est dès 22h. Vous pourrez retrouver justement ADN qui sera là-bas en invité. Et comme je disais, il nous reste quelques minutes. Voici tout de suite, pour terminer cette série, cette émission justement, un morceau des années 80, c'est Brazen. C'est une super reprise, écoutez bien. C'est le nouveau coup de cœur de justement de cette émission, Party After. Razen à l'instant avec le titre Toto sur les ondes intergalactiques. Ça a été encore un réel plaisir de vous avoir accueilli, de vous avoir été fidèle tout au long de ces deux heures. Je vous remercie, on se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Mais voici tout de suite, il vient d'arriver dans les studios ADN. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver le samedi 28 juillet. Il sera du côté de l'Eden Bar. C'est à Moucron avec beaucoup, beaucoup de ses invités. Il y aura aussi des gogo dancers, des cadeaux pour vous tous à partir de 22h. L'entrée en plus, c'est pas tellement cher, c'est 3 euros. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voici